Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaarak wa ta'ala an qadil 'arifina wa imam siddiqina bil Abbas Ahmad Tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'd. Ginnaw biñu sante yalla julli ci yentibi alayhi salatu wassalam ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len bal ak ci bis bu tedd bi ak ci guddigu bu tedd gi ñu deggma muy manam yawmu taswa ak wala ak guddig ashura comme ni nga xamne non lañ ko xamé ci ay ngeenel yi ci nek ak yi ci aju lolou amna ben bo mail bu mu mësone envoyer yakarna daw la wala daw geet bo xamantene def na ci ay ngeenel yo xamantene nek na ci guddi nit ak suba manam ñaan yi nga xamantene mom lañ ci wara def sino tamit amna ben même document bi partager war nako bi ci sama page Facebook bi comme amna ko sino de façon arab salam ko soxla tamit mën na ko yone tay inshallah suma mën na ko yone sax legui après inshallah suñu paré voilà inshallah legui kon dañuy tambalé kon inshallah ci suñu hadith bi manam tay inshallah lañuy jéxal liñ jotone gis ci hadith bi nga xam mo ñëk ci buntu ci ñettelu buntu bi ci bulughul maram min adillatil ahkam tay nak masala yi nga xamanteni mom lañu wara gis inshallah moy masala usul yi mais ñu bala lolu ñu bayyi seigne ibrahima mu jangal ñu suñu hadith bi inshallah taala ñu doga yeggale li nga xamanteni mom mo ci aju ci ay masala inshallah bismillahirrahmanirrahim sallallahu عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تطهر حلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح kon al hafiz ibn hajar rahmatullah alayhi hadith bobu moy suñu hadith bu ñëk bi nga xamne mom leen di woon mun an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an al khamr tutakhadhu khallan qala la akhrajahu muslim wa tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih mun an anas ibn malik jël nañ ci sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mu waxne قال رسول الله دوال يالا لي دي صلى الله عليه وسلم قال ننا مانام بورك صلى الله عليه وسلم من سئل سئل ولا ني موم دا فخنا سئل رسول الله لات ني ندوال يالا يننتي بي صلى الله عليه وسلم لا نيو لات عن الخمر تي ميروم سانغارا تتخذ خلل مانام موي نдах داك نдах ديف نكو سوبي مانام نдах ني سوبي كو لات بي نغان تتخذ ني سوبي كو xalal lan mu nek binega xala la yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne dede akhrajahu tirmi akhrajahu muslim imam muslim rahmatullahi alayhi mo genné nako ci sahih wa tirmizi ak imam at-tirmizi rahmatullahi alayhi wa qala imam at-tirmizi rahmatullahi bi solo way hadith bu bare daf ci tekne hadithun hadith la bo xamne hasanun sahih mana bo bu gisone nango manam moy hadith la bo xamantene dafa deuguer te rafetna amna solo manam ak yenen manam yi nga xamantene mom la lambo yaatalon nañ ko ci benn jotay ci bir hadith bi biñuy gis manam baat yi nga xamantene ñom ñoo nekkon ci hadith bi hadith bi nak kon hadith bi ni boko xolé bi buma juum mo suñu juroom bennel jotay ci hadith bi ci li wara leral li nga xamantene mom moy manam yi nga xamantene ñom ñoo ci nek ak solo yi nga xamantene mom la lambo bi nga xamantene nak kon suñu kon fiñu tollu ni suñu hadith bi gis nañu masala yi nga xamantene manam gis nañu li nga xamantene mom mo aju ci tahriib bi manam fan lañ ko solo yeen téré ko mëna fekk et cetera ak ñan ñoko genn ci ay sahaba ak yeneen ni et cetera manam li aju ci manam bobu gis nañ ko gis nañ li nga xamantene mom mo aju won ci kan moy sayyidina anas radiyallahu anhu dañ ko teunkoo ndax gisoon nañ ko gisaat ko ci yeneen hadith yu wess won gis nañ tamit li nga xamantene mom mo aji won ci mana yi nga xamne ño nek ci hadith bi ci ay baat manam rawatina précisément manam gënon nañu accentué wu ci lan moy sangara ak lan lay teki borom xam xam rahmatullahi alayhi nan lañ ko définir ak lan moy vinaigre ak naka moy processus bi nga xamantene mom lañuy utiliser manam mom ngay def pour bo bëggé am sangara après nga génn ci nga génné ko bam mëna nek vinaigre naka ngay def gisoon nañ tamit ci li nga xamantene mom mo aji kon ci baat yi ak li nga xamantene mom mo aju ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nek ci hadith bi ci walu ki sakku xam xam ak ki nga xamantene mom moy jangale teggini nga xamantene ñom ñoo aju ci hadith bi ci buntu bobu gisoon nañ tamit ci hadith bi teggini ki masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ju won ci walu fiqh rawati na ñaar yi nga xamantene ñoy principal yi moy yi wër wërlo ci sangara ak masala sangara manam tere gi nga xamantene mom la ko sharia di tere ak li nga xamantene mom moy aju moy tourner autour de sangara yi manam lu ci beure beuri ci masala yoy gisoon nañ ko wala la xamdu wal minna ci haram bi mu haram ak sobewu gi nga xamantene mom la sobewu ak woute yi ci borom xam xam bi rahmatullah alayhi woute ak li nga xamantene mom mo ci deugar ak tamit gisoon nañ tamit ci nga xamantene mom moy manam binegat dagan gi nga xamantene mom la dagan te borom xam yep d'accord ci ne dagan na sauf que woute biñu woute moy su fekente na dama yor sangara ma travailler ko manam ma def yobbu ci usine bi pour mu transformer ko wala man ma defar ko wala et cetera lolou lañu wouté ndax dagan na wala daganu mais kanta vinaigre ci jëmmé bopam dagan na lolou wouté wuñ ci manam vinaigre mom c'est sûr que manam dagan na te yaronte bi sallalahu alayhi wasallam comme nim ko waxé won ni'mal idam wal idamul khal wala bok ci benen riwaya ni'mal idamul khal manam ñeex mi dey ñeex mu neex la way manam eskey bi ñeex te mom moy vinaigre manam vinaigre gi voilà manam kon dagan na mais indi nañ wouti yi nga xamantene mom la borom xam xam rahmatullah alayhi wouti ci sen bir ci vinaigre bobu ci jëmmé bopam naka lañ ko manam est ce que dagan na defat wala dang koy ke bu sangara bi soppé ko ci lay dagan wala bok bu ko nit laalé dana dagan wala dit ak wouti yi ci borom xam wax rahmatullah alayhi ak degeural gi nga xamantene manam li nga xamantene lañu gissone inshallah taala mom moy li ci gëna degeur te mom moy mazhab hanafi yoy ak maliki rahmatullah alayhi te mom moy ni vinaigre dana lan dana dagan ala kulli halin day dagan parce que lan caractéristique ci bopam dafa soppé ko ba gisone nañ masala yu am solo yu nga xamantene ñom ñoy wërlo ci al istihala ni ñoo al istihala haqiqatan terme istihala ci jëmmé bopam masal manam haqiqatan mënef nako yobbu ci qaida fiqhiya manam qaida fiqhiya manam wala sax qaida fiqhiya plutôt wala usuliya sax manam wala bok ñu yobbu ci ashbah wal nazair wala al ashbah wal nazair moy ay mbir yo xamantene dañu bari lu ñuy nuro ay até parce que yu bari bari ay masala fiqhu yu wuté ci ay mbir yu bari yu wuté dañ ci aju moy ni mbir mu mën doon bu fekkante ne dafa nek ben caractéristique dafa yor ben caractéristique buñ ko xamé ba tax ñu mëna wax ni li mom ñu né nangam de sobé la wala laxna bu fekkante ne dafa soppeku ba yor benen caractéristique manam yor yeneen caractéristique ba totalement ba perte caractéristique yu ñëkki day daali soppi ak atté aussi manam attém day daali soppeku voilà donc yoy gisoon nañ ko joxé won nañ ci ay exemple yu bari walillahi alhamdu wal minna kon legui nak gisoon nañ tamit wala masala fiqhi yu aju ci vinaigre ak et cetera wala ñakul ne gis amna yu walillahi alhamdu wal minna en tout cas jot nañ ci gis yu am solo yaaka na gisoon nañ tamit ci walu momel ke ni wal lol gis nuko non lol jot ni ko gis dedet ke ni wala mais yoyu ci gattal manam hadith bi day woné tamit le fait que manam sayyidna abu talha radhiyallahu anhu ñew wala ñu ñew ne yent wala ñe na ñew ni yent bi sallallahu alayhi wasallam ñun kat dafa am ay ngirim yo xamantene ñun dañ leen ko denk ñu wara gérer sen xaliss ñu manam ñu wara gérer sen patrimoine sen wa sen bien yi sen momel légui nak est ce que dagan na ñu jël bien yoy manam ñu jënd ci est ce que mën nañ ci jënd sangara wala bok sangara gën ci jottu na jënd wala sangara gën ci jottu na de jënd te fekk boma sangara haramu gul won est ce que dagan na lan ñu soppi ko def ko lan vinaigre pour ñom au moins ñu baña perte sen patrimoine au moins ñu baña perte sen patrimoine sen am bu boba legi yentou sallallahu alayhi wasallam ne dedet non manam kon ñom lolu da fay tektale ne manam parce que gisoon nañ tamit ne lolu moy bi sangare dogalat parce que masala bi yep day wor wor lo ci gisoon nañ ko ci ne lan mom moy motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne dedet manam parce que lolu dafa am solo le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne dedet lolu duma na ne gisoon nañ ne liko waralon moy ne sangara dañ ko don doga haramal te kon du manam bëggul won nit ñi di jël sangara ci diko soppi vinegar manam le fait que sangara di nek ci seen loxo lolu la doon bañ le fait que sangara ci di jaar ci seen loxo voilà lolu la doon bañ mais biñ mais gis nañ ni ci ginnaw gi gis nañ ni sangara gi nga xamanteni manam vinegar bi legi dagan na manam su fekkante def nañ ko sangara lolu nak mom moy waxu hanafi ak maliki rahmatullahi alayhim wuti ak shafi ak hanabi lay rahmatullahi alayhim ala kulli halin wuti la ci borom xam yi leralon nañ ko biñ ci tolle wallahi alhamdulillah wal minna mais fi liñ ci soxla moy que ni ki nga xamanteni mom mo am mo yor manam bien manam ngir ki nga xamanteni manam mom dafa wara def tout pour sam li nga xamantene mom moy alalu jirim bi c'est à dire que té lolu lepp li nga xamantene hijr la def ci aljuna wa moy moy lan moy mané xam nga képp ko xamantene dafa irresponsable manam nit mën na lolu moy safé li alquran wax wala tusufaha amwalakum alladhi ja'ala allah lakum qiyaman warzuquhum minha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa alquran tari bu len jox way dessen mam ni nga xamne sen xel dafa dessé bu len jox sen alal yi nga xamantene yalla daf ko jox gud te mu nek lo xamantene ci yeen dafa am solo ci ngeen di sukkandiko di ci man di jarino na ngeen len ci wërsegal nak de len ci manam di len ci jox ñuy dund ñu koy dundé di len ci woddu mam di len ci sang te na ngeen di wax tamit wax ju rafet ci manam de len wax manam dal luy tax dal sen xel di dal ci sen alal parce que sen alal la aussi donc comme sen alal la buñu jëlé lool moy lool la c'est à dire que dafa am dañuy mëna jël xam nga ci l'islam non la mbir bi déme moy nit ko xamné responsabilité dafa irresponsable ci walu alal manam comme moy sufaha moy way déssé té ñoo nak moy ñepp ñi nga xamantene lool c'est très important ñepp ñi nga xamantene dañu nek manam matériellement sen alal niñ koy gérer baxul ñoñu dañuy nangu sen xaaliss sen alal dañ koy nangu ci sen responsabilité tek ko ci responsabilité ben tuteur légui nak kok mo koy gérer voilà moy comme tay par exemple képp ko xamné day bari lu muy yaq comme tay par exemple motax xalé yi kenn du len baye sen alal motax ngirum bu bayam génné aduna ñu doon alal di non nim beure non même boudé dina ci génn azaka c'est à dire que donc dafa responsable dina ci génn azaka yu bari mën nako ci def mais attention duñ ko tek ci loxom mom niki nonu daf ku dof tamit amul alal buñ ko manam moment bi mu dof alal mom moko mom mais sauf kenn duko baye alal di parce que lutax dañ koy mën comme ku nax aussi ku nax kenn duko baye alal di manam dañuy jël alal di tek ko ci responsabilité ko xamantene moko wara gérer voilà voilà lolou lañu wax al hajr wala al hijr manam moy ak teunk nga xamantene dañ nan mbir mi ki kat dañ koy teunk ci li parce que voilà parce que suñ ko bayé alal bi da koy yak niki nonu comme par exemple ko xamantene lumu am ndawtale ko wala mu yobou ko ngenté ñu ndayele ki daldi koy yak passé de ko non ko tamit dañuy nangu alal bi té ko ci responsabilité ku ko gérer voilà ko xamantene tamit ak ñu mel non moy ñu mel non yépp non lañ leen di def ñi nga xamantene dañuy yaq ñoom ñepp non lañ leen di def voilà ko xamantene par exemple lumu gagné dem jouer diko premier par exemple lumu am dem jouer diko premier wala bok nit ñi nax ko nangu alalam xam nga am nañu mel non ño xamantene dañuy liggéey ba wër wi dé ñu fay leen salaire bi yépp nit ñi nax leen lek seen alal jël leen benn par benn ba alal di jeex ah ñoo ñepp dañuy nangu seen alal buñu né alal di momatuñ ko mais dañ koy tek ci responsabilité keneen ba kérok muy mat manam ba kérok seen xel di mëna accès manam muy mëna responsable non mom motax tamit ki nga xamantene njirim la lool mom motax ñukoy nat manam di xol à peu près leg ñu jéki jox ko ben somme bu xaw conséquent touti ñu baye ko diko sétan xol ndax dina ko gérer bu baax suñu démé ba mëne ko gérer ba commencé ko mëna gérer moy suñu commencé mag touti xel mi commencé deugër touti ñu xamné a ki kat mëna gérer bu boba nak dañuy déresponsabiliser ki nga xamantene mo nekkon tuteuram ñu jël alal dooju légui tégaat ko mom ci ay loxom mom njirim bi wala manam ay xalé la il n'a que 20 ans yoy yep du lay manam yoy yep du ay lay manam alalam la quoi wala légui nonu tamit le kon wala yoyu lolu dañ koy def ñu ak niki nonu manam jam tamit jam mom amul alal en fait jam alalam moy alalu kiko mom wala mom bu ligé yon fim tollu ba am milliards tamit kiko mom moy mom milliards manam jam amul alal dañ ko mom wala wala nonu tamit la nit ñi war di comporter wo par rapport ak seen borom ñu xamné ñom amuñu dañ leena mom yalla mo leen mom ñom am manam sama baatu sama amul ci normalement amul ci nit parce que kuñu mom nga kuñu mom munul mom mom manam duul bëti ko di mom dedet wala luko yalla jox la mu yor ko hein wo wala kon lolu benen bir la bo xamantene ci hadith bi manam dañ ko ci gisse benen ci dess mom moy ne su fekente la nit ci benen masala la bu am solo ci bir masala bi batay ci fiqh masala fiqh yu batay la moy marché bi tay su fekente ne dañu dem ba marché bi yakko lolu bu fekkante ne dañu jël manam nit dañ ko jox dañ ko denk dañ ko responsabiliser ci alal mu jël alal joju ba marché bi di bax mu dem mu investir ko faf marché ba yakko du fayat alal ci lolu moy lan moy comme suñu hadith bi Sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu dafa gissone sangara dafa jann té dafa am valeur mu wutone ay bari goy sangara yu mu jëndone ci alalu njirim yi nga xamantene mom lañ ko joxone manam mu tek ko mais bi nga xamantene dem na ba sangara haram ñuy tour bari goy mom mu dem neent bi ah bi manam gis nga manam wala lol moy esprit responsable gis nga manam est ce que numay def sa boutelu sa affaire yi nan la koy def han muneko ahriq dama waksir didan aywa manam toural sangara sep tour ko beuri goy manam yi mu defon yep nga tek ni mune afala natakhizha khalan khana buñ ko jël war ko soppi nak legi bi nega manam pour lan pour alal di baña yak parce que sharia non lañu mësa jangal sharia limñu jangal moy alal waruñ ko yak c'est à dire que lu important la moy suma amé benn possibilité yorna sama benn mbir mo xamantene xeyna dem na ba yakku baxatul wala yoy manam sharia limñu jangal moy dama wara def lepp ba récupérer ko manam ba mu nek luñu voilà recycler ko wala ma récupérer bien bi lool la doxal ci ban hadith gisoon nañ hadith bu mu doxale non bu mu jangalé lool voilà medd bi der voilà nga xamné dafa rombo marra nabi sallalahu alayhi wasallam bi shatir yajrunaha yantim sallalahu alayhi wasallam dafa rombo lan ab medd bo xamantene manam ab am beuy wala xar bo xamantene dañ ko don dir muné hala tafatul bi ihyabha lan mo len téré ngeen mana jariño lan derbi ñu ne ko fa innaha mayta yentu sa ñu ne ko li medd la parce que li nga xamone moy medd baaxul dafa haram dafa sobe wu et cetera kon medd baaxul yentu bi sallallahu alayhi wasallam dañu tahhiruha al ma wal qaras non ndox ak nepp boku jëlé manam bo jëlé ndox manam kon manam dina label lan dina label derbi donc ce qui fait que manam kon der bi mom manam xarmi mom ci bopam mom baxatul meneufu ko lekati parce que dafa haram ndax medina mais der bi quand même meun ko récupérer su fekkene dañ ko lan dañ ko wulli manam dañ ko tamé voilà donc lolu da nga gis sharia daf ñukoy jangal lolu même amna benen moy ndox su fekkene dañ sobe def ci duggu nga bëgg récupérer ndox mi ndox mom bu ko sal bu ko tour non nan ngay def voilà da ngay jël ndox menen ndox mu lap nga soti ci soti balal karas ici voilà sopé ko wat voilà et cetera manam gis nañ ko ci ay cadre figure yu bari yo xamantene sharia da fay diglé pour lan mbir bu fekkene dafa dem ma nara yaq buñ ko kenn yaq manam bu fekkene nañ tant que meun nañ ak ko récupérer d'une autre manière rek nañ ko def manam moy buñ ko meune recycler voilà donc fini buñ xolé ci cadre figure bi ñu tollu manam Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu mom sens bobu la japon né ah waaw kon mbir mi ni la démé nañu dem lan ha nañ dem lan na dem laaj pour ñu xol ba xam dañ koy mëna laaj recycler manam dañuy mëna jël sangara ci soppi ko laaj vinaigre comme vinaigre mom dagan na mom sangara kay baaxu té sangara ci mëna ko soppi vinaigre ndax nan lay def voilà c'est à dire que lolu li ci téggu manam la ko yéne sa ni ko dédét c'est à dire que moment bobu lolu daganul moment bobu comme niñ ko gissé lan daganul won djel sangara soppi ko vinaigre daganul won ndax début islam lolu lañu saddu zaria la tud ci usul di lañ ko giss inshallah ci masay bi saddu zaria manam moy ngay liñu wax prévention hein voilà prévention dissuasion voilà manam moy di fexé di pour nit ñi moy tuddu di dugg ci lo xamné mën na leen yuubu ci lo xamantene loola baaxul mbir mi ga baaxna mom ci timi bopam bonul mais de yuubaté ci lo xamantene mom dafa bon bu boba ñu daal la koy téré ngir loola voilà comme voilà comme par exemple louer keur xam nga louer keur dagan na mais soko louer ko xamantene par exemple yamba la fay jaay après boba dañ la koy téré na la louer keur gi ku mel mi dañ koy téré manam du louer keur gi mom lañuy téré mais c'est parce que après ko lam cey def lolou lañuy téré voilà amna exemple buñu xam ñun ñep manam buñu comprendre buñu xam ci walu sangara batay mo lan ci walu sangara dedet non jaay beugé dafa vendange voilà parce que boy def vendange mu leer la ni manam motax vendange ñaari catégorie la vendange ñaari catégorie la dafa am catégorie bi nga xamantene dagan na mo am catégorie bi nga xam dafa lan haram ndax sadu zaria catégorie bi dagan moy lan moy ne su fekkentene dañuy dag vigne manam raisin yi dañ koy dag pour lan après pour jaay ko mom ci teumi bopam raisin dañ koy jaay wala bok a la rigueur xamuñu luñ koy def parce que amul ben indice buy wone ni raisin bi pour nangam la wala lolou dana dagal mais li haram moy lan moy ma diko dag ngir lan mu leer ma ni liñuy defare sangara sam yi ci wedd te fi la jëm wa bobu da fay haram bobu day haram ndax la c'est pas parce que dag raisin bi ci demi bopam mo haram ak ki ko dede du lol mais lan la saddu zaria la manam moy prévention bobu manam après objectif bi voilà parce que lan al wasa'il ta'khudhu hukm al maqasid non la han wa lol la non la qa'ida bi qa'ida bi lan al wasa'il ta'khudhu hukm al maqasid al wasa'il moy lan moy moyens manam en fait moy li arab li français di wax la fin justifie les moyens voilà la fin justifie les moyens c'est à dire que moyen bi day jël atay objectif bi day jël atay objectif ce qui veut dire que ni même bir mi ñun ñaar mën nañ ko def ma am ci bakar yow nga am ci tiyaba yalla contage ci kenn ki mer ci kenen ki lolou day am même chose bi voilà tay buma demé ñun ñaar ñu and par exemple wala ñaari nit da samba ak demba and and parbi par exemple dugg ci yenn ci magasin yoy di jay ci ki wala benen bi ci des confiance wa fi han jënd di jënd ay dal ñu jënd même marque bi même prix bi et cetera mais sauf que kenn ki mom daf ko jënd pour après manam ngir tebeski gi manam ngir mëna tebeski gi kenen ki mom daf ko jënd xol ko gis ne après bu démé ki ci bëru bu taxé di kay fofu su fa démé dal yi day rafet ay yo xam dina mëna ki xalé yi jigen dina tax ñu xol ko bu baax manam ñaari objectif yi xam nga pourtant même mbir mi la mais moyen bi manam objectif yi ñoy jox sens moyen bi voilà donc lolu légui nak fi nak par contre fini liñ ci djublu bon lolu masala usuliya la xamna buñ ci yexé dañ koy tuddu rek parce que wax nañ ko paré ci mais fi nga xamantene mom moy moy masala fiqhiya bi nga xamantene mom lañ ci djublu won moy né moy marché bi su yakko c'est-à-dire que Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu yentou sallam daf ko ko téré c'est-à-dire que moment bobu marché sangara dafa melni lu yakku c'est-à-dire que amoutuma droit jëfëndiko ci dara c'est-à-dire que alal jangi ni amoutuma droit jëfëndiko ci dara légui daman bi amal moy daman moy madani ni e li ni ci sama garantie la nekkon dama ko wara rambu dama ko wara fay c'est-à-dire que dama ko wara joxe lolu garantie bobu lolu moy daman c'est-à-dire que voilà comme genre caution la caution bobu amul droit rembourser ko amul droit rembourser ko lutax parce que mbir mi dafa indépendant ci mom de mom acte sharia mo ñew mais ah sangara ci legui haram la bam koy jënd haramul won donc amna droit wala tout simplement affaire bobu day yak finalement té du am droit c'est-à-dire que du risque bu jël risque rembourser wat ko lolu dafa lolu am solo la parce que su fekkante ne dañ la responsabiliser ci ben poste da nga wara def lepp pour remplir ko mais su fekkante ne dafa am ay mbir yo xamantene comme catastrophe naturelle wala lenen ak lenen lo xamne dafa ñew yak mbir mi yow amul droit la réclamer c'est pas dire borom kiñ la ki la ko responsabiliser do am droit réclamer do am droit réclamer ko parce que lolu togn lay mujj rek c'est-à-dire que bu la ko réclamer rek yow da ngay togn parce que yow affaire bi dafa indépendant ci yow lolu yeb day indi wat question la bonne question lay indi wat ha amna question bu indi wat hein assurance mais indi wat question assurance parce que assurance lolu kessel voilà ancien jour buma jangé sama sey fi voilà mu daat may assurer sama keur légui waji né man fokk nga fay ko pour mo lo xamantene même boudé lu naturel la lu dal sama keur mom momay fay manam c'est comme si manam ça veut dire que c'est comme si man dama koy fay ci lo xamantene manam dafa incertain non seulement dafa incertain mais ci mari foro la en fait mom buma joxé alal ju upp man lima ko jotta jox lima jotta cotiser ton na et que man tamit buma joxé lu upp que mom après en fin de compte limay jox togn na ma mais ñun ñaar ñep togn nañ te togn nañu suñu borom togn nañ suñu bop ci le simple fait que ñu la non ci le fait que ñun ñuy engagé wu ci lo xamantene ci mali foro la en fait motax xet yoyu seul li ci nécessaire manam li obligatoire mo ci dagal mo indispensable lay wax au tiers xawma voilà donc yoyu la legui tay buñu xolé manam lool ben raison la ci tax manam dañ ci jaar rek legui ñu jëlat cadre figure bi kon tay bu fekkante ne dama yor dañuma jaay dama dañuma jox par exemple ay télé nima nako jaay télé yi boko jaayé nangam après nga am ci dañ la ci responsabilité dañ lay fay c'est-à-dire que soit par télé bo jaay wala par la hein wala par mois en tout cas yaangi dañ lay jaay lola mañu d'accord ci contrat bi parce que ñaari contrat ñoo ci dagam moy dag may jaay té sulum dag may fay selon télé buma jaay c'est-à-dire que buma la jaayul dara dum fay voilà bob voilà c'est à dire que voilà lo jaay rek mo fay la ci nangam moy commission voilà légui benen bi ci dess moy salaire la mom salaire ngay am voilà légui man ni d'accord ñu ñu contrat bi leer ñu tok ouragan am wala bob ma tejj ko tejj na ata gis ngeen luma manam yow man nga ko dox fi mako dougal lieu bu sûr la ma denc ko ben way fexé ba ñew dajj ko tej ko sacc ko yeloobu tane man duma fay dara lu tax duma fay parce que mbir mi dafa indépendant ci man manam du lo xamné dafa aju ci man le fait que lan voilà c'est pas lui mo xandam manam yoy gissone nañu gissone lolou jotone nañ giss ne al adat muhakkam qaida fiqhiyya la bo xamantene dafa bok ci jurom yi nga xamantene ñom ñoy juromi qaida yi nga xamne sharia yeb day wër lo ci jurom yoy kon jurom bi mom moy ne ada dañ koy dox até c'est-à-dire que mbir mo xamantene sharia indi wu ci précision ada mo ci dox précision comme tay par exemple buñ né rafetal jëm say wajur wala bok ñu né la da ngay jokk mbokk ak yu mel non yoy xam nga sharia da ko wax rek mais waxul naka lañ koy défé manam waxul né li mom fi manam défal bu fi après nga arrêté wala bok défal bu fi bo lolo minimum waxul lool ndax né rek def ko donc affaire bi day dal di dépendre légui ci lan ci ada c'est-à-dire que manam jamono ji ngay dund yow ak dekk bi ngay dund nan lañu xamé manam ak sa culture yow manam sen culture yeen naka lañuy défé lola xam nga tay fim tollu amna dekk yo xamantene fim tollu ku tok nit mën na tok 2 mois papam dekk ci bop koñ be mu tok 2 mois du fa mësa jaar du ko mësa sét té dañuy japp né normal la parce que waji amu jot man dañuy japp né normal la dal parce que lool moy dañ xew ci dëkk bi non la démé quoi voilà de temps en temps mu doxé bénn coup de téléphone voilà et puis jéxna alors que ñun c'est à dire que ñun par exemple suñu culture africaine lool mayu ñuko lool boko défé def nga lo xamanténe vraiment jaadul quoi c'est pas bu dëkk ci bop koñ bi kessé nga tok 2 mois yo xamanténe jaaru fa séti di wulo ko xol nu mu def lool ci ñun ko alors que meuna nek ci yenen culture lo xamantene lolou dañ koy trouver mu normal donc mbir mi day addu tamit ci culture bi ak ci surtout ak ci jamono ji day addu ci jamono ji ak ci culture voilà donc lolou benen mbir la donc buñ ñëwé ci acte bi manam lien sûr nan lañ koy xamé wé mais moy comme niñu xamé wé bien sûr ci jamono di nga nek ak place bi nga dekk tay par exemple boudé fini la bien sûr quand même moi suma fi téwé suma tejé su fékénté nu amna verrouillage tej buntu yi défar ki ba paré un cadenas et cetera lool vraiment bien sûr après xeyna mo alarme lool bien sûr la par exemple amna dekk yo xamanténé comme tay par exemple bo démé Martini par exemple fini donc fi moko fini rek lien sûr la nan manam même bu mo outul carnat defuma dara fi lien sûr la voilà alors que boudé KMR par exemple manam plutôt Dakarou lolou du lien sûr gis nga Dakar bo jëlé sa xar gis nga xam nga nang koy xamé moy xarum tobaski tay fim tollu bu mo jëlé xarum tobaski ma duggal ko ci ben boudé par exemple makami wala yenn dëkk yi yenn amna c'est même ba ci yenn dëkk yi ci même ci africain même ci même sénégal tout dépend ci dëkk bi par exemple boko takke xarmi ci buntu keur gi nga tak ko yew ko mil bien sûr parce que sa xel dina dal ci ne ken du ñew jël ko yewé ko mais Dakar nga tak ko ci buntu keur gi ba fara do tedd di nalaw ci bir yow ya dañ nan la ya sa rahasam sam xar wala moy li ndor wax kéro be wala nga jël wa luma benn mbokk déxali mais dafa am yaakaar na xawma ñaata million la jëlul en tout cas am ku mool won ci ay interaction yu démé non waaji lek ko neul ñu dem ba ci juge bi ba ki ak yoy gaay gañé ko quoi parce que waaji da jël avocat bu gëna baax mais après biñu génné avocat waajoju manam avocat kenen ki ak juge bi ñoko doon wax non mais boy da ngay déconné yow min yo ay 10 millions nan nga koy jëlé di nan dang koy dénk nit wala rek ya ko def quoi ya may sa xaliss xam nga manam voilà parce que pourtant bu mu jëlé sama 10 millions normalement jox lako né le téyel ma mais mi ngi ci lien sûr normalement ci société bu normal la wax mais attention de ci wolof yi nekul lien sûr Sénégal bo jëlé sa 10 millions am ko ko dénk nekul ci lien sûr voilà donc lolu mbir mi kon day aju ci voilà ci culture ci ada ak ci époque bi ngay dund aussi ak ci milieu bi ngay dund donc lolu moy ada ce qui fait que ni juge bi day joxe tamit atti ci lolu sharia tamit day teural atti par rapport ak lolu day bayyi xel tradition bi culture bi milieu bi ngay évoluer le milieu social milieu politique bi milieu économique bi etc voilà même dokoy bayyi xel voilà donc lolu moy ci wala li aji won ci masala bobu legui wala est ce que timis bi jege won ci écart mo yé ñata minute mo dess hein non est ce que les journées ont 27 là non timis bi 20 là yakana non 26 26 d'accord voilà legui kon parce que dama bëggon ñu dugg ci masala usul yi pour inshallah mais xeyna do mën na baña jeex tay inshallah jotay bi ñu peut-être que ñu jeexal ko wala masala usul yi bokk na kon ci yi nga xamantene war nañ ko gis mom moy al illatu ya'udu ma al illatu yaduru ma anna al hukmu yaduru ma illati haythu darat wujudan wa adaman manam atté di wërwërlo di andak mbolem yenen atté yi manam fu mu mën di wërwërlo manam su fi atté bi nekké mu nekk su atté bi dox taxo mu taxu manam moy lan moy atté té dañ koy gis ci hadith bi manam né vinegar bi bi gis nañ masala vinegar ke ni dagal na sangara dafa haram vinegar latna mais sangara sauvé la lutax parce que té pourtant ñom ñaar ñep kenn ki lay joggé ci kenen kenn ki day joggé ci kenen kon lutax ñom bi mëna sauvé wu bi dagan mom moy atté bi mo wurlo c'est à dire que manam moy cause bi taxone ñu né sangara dafa haram cause bobu mo taxu su fi cause bobu nekké sangara ci day daf fi né dal boba day xako day dal haram té moy lan cause haram sangara lan la cause principale amna yeneeni cause yu alquran dox comme niñ ko gissé won mais cause principale moy lan moy day la day mandilaté muskil la kon lepp lo xamantene day mandilaté day waral né kon né day waral ak sobé gissone ñett mbir yu muy waral luy mandilaté lu nak ñett mbir lan bu ñëk bi lan la luy mandilaté non lan lay waral ci acte sharia moy muskil amna yeneen ñaar yuñ ko comparer moy murkit ak mufsid muskil moy luy mandilat murkit moy lan lui lui nelawal ciiri ciiri le yak mais du yak xel ni mais mufsid mom moy day yak xel mais ciiri dañ fi dess voilà legui muskir sangara lan lay waral ha waaw mais acte sharia dafa am ñetti acte sharia yu teggu ci sangara yo xamantene man lepp luy mandilaté man sangara moy luy mandilaté légui dañ japp lool sangara moy luy mandilaté pa que comme niko ki di wax nenañ sérieur yi motax ñu tuddé nañ sangara parce que dañ daan gis Jean bu daan ñew Jean mo daan indi sak ñaan sangara Voilà, légui Voilà, voilà, mais bon, peut-être que ça gara djitu na période coloniale bi. Voilà, voilà, ni sa bu dañu rek dara yorale affaire bi. Ko defé ni na ha sa gara. Voilà, mais bon, ala kulli hal. Légui wa waxon nañ né manam buñu génné donc lolu amul na ñatt até yu waxon né sangara daf ci ag. Da fay sobé wu haram jëfëndiko lu bari gëk lu tuti li day haram jëfëndiko lu bari lék lu tuti dafa haram jëfëndiko lu bari lék lu tuti gi dafa sob manam dafa sobé wu lu bari lék lu tuti gi dafa haram c'est-à-dire que du xam nga voilà sangara lan mo haram lan mo sangara moy luy mandilat c'est-à-dire que kon bo ci nané lu bari da ngay mandi par bo ci nané lu touti mais lu touti li tamit day haram ak lan amna benen lol moy ñaarel bi ñettel bi moy lan ñettelu atté bi moy day waral hadd day waral duma day waral ku ko nan ñu door la 80 coup même bu féké comme niko malik yi wax rahmatullah alayhi même bu fékénté né dama jël ndox boutelu ndox ma jël ben pousso sangara pousso ma ciap ko ci sangara dougal ko ci bir nan ko day haram donc sangara dafa waral ñet yoy kon ñet yoy li ñet yoy acte yoy di teurul ci kaw li waral lool mom moy mandité gi su mandité gi nekké day dadi da fi nek su fi mandité gi taxo do tax légui pour fatelu ko parce que dafa melni japp tak sak do xoo jafé da melni mokal tak japp do xoo jafé wala xoo jafé da señ bay wala da nga wor a cheikh abdou kon murqit murqit moy lan wax nañ ko légui moy lan luy lu yak ciir ji mais du yak xel mi comme lan comme anesthésie c'est à dire que boko defé ci yaramu nit ciir bi day yak voilà lolu nak lu beurim ci lu amul aajo bu leer day manam lu beurim dafa haram anesthésie moy produit yoy di anesthésie yaram lu barem dafa haram mais lu toutim haramul su fekkante ne dañ koy jëfëndiko comme pour pour médecine voilà ak lan mufsid mufsid moy lan lu yak te lu yak ciori moy comme lan hein yamba comme yamba comme drogue voilà ñom sen lu bari dafa haram mais ñom sen jëmm bok duñu sobé xop xobu yamba bi du sobe drogue bi poudre bobu wala ak nu meuna don du sobe mais dafa haram lan moy legui après lan la benen mbir mi moy lan de non ci mufsid bi lay wax ba legui amna benen am atté bu ci aju comme murkit bi moy lan moy lu toutiem dana dagan ci walu faj wala buñ ko soxla lu tuté voilà donc yoy ay mbir la yu mata xamé parce que dafa important en fait ay atté la c'est-à-dire que aussi il faut que ñuy tak atté c'est-à-dire que buñu parce que aussi c'est important parce que dafa tax nga mëna en fait sodul japp di manam tak voilà da ngay ke tak ñaar la tak li ñaan ak bap ñaar façon tak ñu am ha waxna ko legi ñaar ok bu ñëk bi moy ban moy bi gëna évident mokal moy dap xal bi moy bu fekk lo xamne dama koy tek sama xol manam ma tey ko dot mako faté ba mokal mais benen bi moy ban voilà dap kita manam moy mu ko bindé tey ko wa lool mom fuma ko soxlo waté na ko meuna séti ci wat wala ma enregistré ko tey ko suma ko meuné dina ko déglu wat wala bok et cetera manam il faut ma am c'est-à-dire il faut ma out moyen bo xamantene manam ku bëgg xam xam ku né non ngay def il faut nga out moyen bo xamantene non nga koy takké mais il faut nga koy tak c'est-à-dire nga koy tak de telle sorte parce que tam tak bob moy indi ngay xam mbiri avec précision et puis dang koy tam xolal imam malik radiyallahu anhu avant mom même talibé da nu len won nangu ñuy bind avant buñ daan ñew ni daanu nangu ñu dind dañuy tok rek bo naré bind mu ne la dédé togal bo tamé togo ñun di nga mokal wala bo fexel ba tamma togo ñun nga tamma mokal wala su ko défé après ngay mokal mais dal ci gattal dal ku mënul mokal bobu tamit muy tak manam muy tak ci yeneene tak bi moy xaybu bobu wa diko noté diko ki et cetera ti wala parce que yoyu day tax xam xam bi du parce que voilà parce que xam xam dafa laaj yitté bu kawé manam melul comme voilà dafa laaj ambition ak détermination mais bu fort du comme lenen nurul lenen en fait voilà dafa laaj détermination quoi nurul comme folklore xam nga folklore mom yomuna voilà wala ay yenen mais xam xam mom dafa laaj détermination dafa laaj yitté dafa laaj ambition bu kawé voilà et cetera ba para tamit dafa laaj aussi di ci delu wat di xolat di ki wat di takat di et cetera voilà te dafa laaj aussi manam nit ki di selal yeenam lul manam ke pour lool voilà selal yeenam pour lool voilà lool mom motax gisunu beureum xam xam yu bari te gis nañu par exemple folklore kat yu bari buñu gisé par exemple way kat yi xolal ma lol xolal tele bi way kat wala radio bi gis nañu beure gam ko dem ñu way kat yi bari nañ lan mo bari wul borom xom xom wala te lol likoy waral moy lan moy determination bi dafa jafé dafa gëna jafé wala dafa laaj wala manam nekul rek lu wala dafa laaj benen determination de plus que wala que ala ko le xal yalla ñu yalla yombalal yoonu xam xam ci barke yent bi sallallahu alayhi wasallam xamna ñu yëm fofu jotay bi ñu wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin